Les nuits de France Culture, la nuit de la médecine. Imaginerait-on une nuit de la médecine qui ne donnerait la parole qu'aux médecins, ou aux historiens de la médecine? Avec Stanis Pérez, en début de nuit, nous avons longuement parlé de son Histoire des médecins, paru chez Perrin, et qui vient de sortir en format poche dans la collection Tempus. Nous avons eu aussi un médecin malgré lui, ça a suivi, le médecin malgré lui, le Sganarelle bien sûr de Molière. Et plus tard dans la nuit, nous avons rendez-vous avec un autre médecin de fiction, qui est un vrai médecin dans la fiction, mais si ces méthodes à base de publicité, de manipulation des foules, il s'agit bien entendu de Knock, de Jules Romain. Et c'est une version radiophonique avec Serge Reggiani dans le rôle titre. Médecine loufoque, à l'instant, on vient d'entendre cette émission de Francis Blanche et Pierre Dac. Médecine coloniale, bientôt, objet d'une émission destinée aux auditeurs de la France d'outre-mer, ça c'était en 1945. Et puis médecine verte, plus tard, dans une matinée des autres. Puis une rencontre avec un médecin écrivaine, Fanny Guéral, qui est l'auteur de Médecine deuxième année, amour, colloque et stéthoscope. C'est publié chez Rajot. Imaginerait-on donc une nuit de la médecine qui ne donnerait la parole qu'aux médecins ou aux historiens de la médecine? Donc non. Par définition, la médecine est faite pour les malades, pour soigner et puis guérir, bien sûr, les malades. Bonsoir Nathalie Reims. Bonsoir. Alors, dans la présentation de votre dernier ouvrage, « Les Reins et les cœurs », publié chez Léo Cher, il est question d'un mal singulier et non d'une maladie. Alors, le mot maladie va être employé, bien entendu, dans le corps de ce récit, mais la quatrième de couverture, on parle d'un mal singulier, donc mal terrible. Mais est-ce que ça veut dire que même le mot maladie fait peur et que le mot mal serait plus, on s'en accommoderait mieux? Non, je pense que le mal singulier avait pour moi, tout particulièrement dans ce récit, l'apparence du malin, beaucoup plus que de la maladie. Parce qu'en fait, ce mal singulier dont vous parlez, je l'ai nommé ainsi parce que ce mal singulier frappe les femmes de ma famille depuis des générations. Lors de l'écriture de ce livre, je vous reprends une seconde. Hein. Il y a pas que des malades. Hein. Il y a aussi des écrivains qui tombent malades. Ça c'est mon cas. Je suis d'abord écrivain avant d'être malade. C'est une œuvre littéraire. C'est le 20e livre quand même. Oui oui. Donc j'ai essayé de faire de ce mal singulier une œuvre littéraire. Donc oui, en effet, ce mal singulier a attrapé tout d'abord ma mère. Qui a passé 25 ans en hémodialyse, qui du jour au lendemain s'est retrouvée avec une fonction rénale morte, en fait. Ensuite, elle est tombée malade très jeune. Ensuite, ma grand-mère avait une sœur, et ces deux femmes ont eu exactement la même chose. À des années différentes, leurs reins ont cessé de fonctionner, comme ça, rapidement. Elles ont connu évidemment toute la dialyse, personne n'a été greffé jusque-là, et elles sont toutes mortes dans leur machine. Et ensuite, ce mal a frappé uniquement ma mère, puisqu'elle n'avait pas de sœur, elle a un frère qui lui n'a pas été touché. Et ensuite, ce mal singulier s'est attaqué à moi et à ma sœur Bettina, qui est photographe. Donc en fait, en remontant cette histoire de gêne au moment d'écrire ce livre, j'ai fait des recherches sur cette lignée de femmes, sur cette ligne singulière, et je me suis aperçue, alors là je n'ai pas la réponse, mais peut-être que le malin là, lui, qu'à la fin du 19e siècle, mes arrière-grand-mères et grandes-tantes étaient mortes la même année, jeunes, et on ne sait pas de quoi. Mais comment on retrouve d'ailleurs, parce que là, une généalogie, on peut avoir les noms, on peut avoir les dates de naissance, les dates de décès, mais est-ce qu'on notait réellement de quoi mouraient les gens? En l'occurrence, non. Alors évidemment non, pas à la fin du 19e siècle, parce que quand les reins s'arrêtaient, on mourait tout simplement. Mais il se trouve que cette ligne familiale maternelle a une traçabilité facile pour nous, puisque voilà, c'est une ligne un petit peu particulière dans laquelle je ne m'étends pas trop dans ce récit, mais en fait, ces femmes ont été tracées pour nous de façon assez facile, parce qu'il y a beaucoup de documents sur cette famille. Il y a des documents sur tout, sauf sur cette maladie. Et aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, en fait, dans cette histoire aussi de ce gène, puisqu'il s'agit bien d'un gène tueur, un jeune orphelin, mais avec une très grande famille. Aucun professeur qui n'a suivi toutes ces femmes, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, sa sœur, ont commencé à être suivies par le professeur Amburger à Necker. Et puis ensuite, on a eu le professeur Grünfeld. Et puis aujourd'hui, même si je donne que les initiales, là, on parle sérieusement, vous et moi. Ensuite, ça a été le professeur Joly, c'est-à-dire toute cette lignée de professeurs de médecine spécialisés dans le rein n'ont jamais connu un gène de cette nature. On est vraiment les seuls à pouvoir dire que ce gène ne frappe, il est XX, c'est-à-dire femme-femme, il ne touche que les femmes dans une ligne absolument ininterrompue. Alors, la seule façon de le rompre, et on va peut-être y venir, c'est d'être plus malin que... Que le malin. Que le malin. Alors, comment fait-on pour être... Ah, on va peut-être pas en parler tout de suite du malin ou de la manière dont on peut s'en sortir, Nathalie Reims, mais il a un nom, ce gène tueur? Non, il n'en a pas. On nous dit c'est un gène double X. Alors, pour moi, en fait, la façon dont il agit... il agit un peu comme une forme d'alien dans un vaisseau. C'est-à-dire que, vous savez, ces jeux dans les fêtes foraines où il y a ce parcours des miroirs dans lesquels on se perd, ces labyrinthes. On y va pour rire quand même. On là. Y va pour rire, ah oui, mais si on ça dépend de l'âge. Pense, oui, c'est ça, ça dépend de l'âge. Mais enfin, il se cache. Il se cache. Alors, il y a un moment où la déficience rénale se signale, mais il peut aussi rattraper ces femmes de façon très, très, très brutale. Et heureusement, d'ailleurs, au fond, que ce gène, finalement, est assez très singulier, puisque pour le moment, il n'a fracassé que nous toutes. Mais on parlera peut-être aussi plus tard du déni, enfin, des tas de choses qui peuvent faire que quand on hérite comme ça, d'un héritage bien singulier en fait, qui est hérité d'un gène. On a deux façons de l'aborder. On a la façon très claire, très sereine. On fait face, ou on fait comme moi, ce que je raconte au début des reins et des cœurs. On l'ignore en se disant que si on l'ignore, il vous oubliera. Il vous oubliera puisque les reins sont le siège de l'inconscient, c'est-à-dire que les reins. Au fond, on n'y pense jamais parce que, vous voyez, on dit on a mal au rein, mais on n'a pas mal au rein du tout. En fait, on a mal au dos. Et on ne s'imagine pas à quel point les reins font fonctionner l'ensemble du corps humain. C'est-à-dire qu'ils irriguent en l'ensemble des organes vitaux. Et c'est-à-dire là, le cœur, les poumons, le sang, tout simplement. Ce qui fait que quand on n'a plus de fonction rénale, dans un premier temps, on passe par la dialyse. Ça doit être horripilant, Nathalie Reims, de ne pas pouvoir mettre un nom sur un gène quand on est écrivaine comme vous. Voilà, on a écrit une vingtaine de livres, donc il n'y a pas une idée comme ça de trouver un... Alors c'est peut-être un prénom? Ah, certainement pas. Non? Non, non, non, non, c'est certainement pas. Je trouve ça un peu comique d'inventer un prénom pour un gène. Et croyez-moi, ce gène-là n'est pas comique du tout. On le combat dans l'écriture. Moi, je l'ai combattu à chaque mot. C'est-à-dire que je me suis dit, après toute cette épopée qui a duré en effet plus d'un an, dont 2 mois de réanimation vraiment dans une situation extrêmement précaire, on peut dire. C'est-à-dire où on côtoie, on a une vague idée de ce que c'est que la possibilité de ne plus être là, quoi. Ce qui est... Donc quand on arrive à dépasser ça, quand on arrive à dépasser toutes ces épreuves, on passe peut-être de l'espoir à l'espérance. Et puis ensuite, il y a des signes comme ça sur votre chemin qui font que le destin et nous et les médecins et tout le monde ont fait un travail commun pour essayer d'aller vers la vie. Et pour moi, aller vers la vie, c'était écrire. Puisque je ne sais faire que ça. Et peut-être que ce livre, d'une certaine façon, a été le nom que j'ai donné à ce gène. Mais il y a eu des noms plus importants, d'ailleurs, dans ce livre. Il y a des prénoms, beaucoup. Beaucoup. C'est de réhabiliter toutes les femmes. Minka, Alix. Minka, ma grande-tante, Alix, ma grand-mère, Lily, ma mère. Vous dire que chaque femme a trois prénoms? Oui. Dans votre famille? Oui, elles ont toutes trois prénoms. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que elles se donnent toutes les prénoms. C'est-à-dire que les grand-mères, alors ça c'est souvent le cas, mais enfin, les arrière-grand-mères donnent les mêmes prénoms. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique dans tout ça, dans la magie pas très... On n'est pas chez Walt Disney, hein. On est plutôt chez Perrault, chez Grimm. J'ai voulu l'écrire comme un conte, en fait. Écrire ce livre comme un conte qui va au-delà aussi de la médecine, même si la médecine est centrale, évidemment, à toutes les pages. Mais c'est une histoire de famille, oui, c'est une histoire d'amour aussi, on en parlera. Oui. Mais pour rester sur ce gène tueur, Nathalie Reims, c'est une maladie orpheline, donc, qui n'a pas de nom, le gène n'a pas de nom, mais est-ce que d'autres familles en France et dans le monde entier ont ce même gène? Pas que l'on sache. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire qu'on a... Évidemment, vous savez, dans toute cette ligne, dans toute cette aventure, mon Dieu, les professeurs qui se sont penchés là-dessus, pas que des professeurs français d'ailleurs, hein, parce que c'est très intéressant, quelque chose comme ça à étudier, non. L'inédit il n'y a pas. Intéresse toujours. Enfin, il n'y a pas, à moins qu'on nous dise qu'il y a, mais pour le moment, en tout cas, personne ne connaît ça, personne n'a vécu ça. Ça ressemble, vous savez... comme ça, un sortilège tout d'un coup. Alors vous allez me dire, on ne croit pas au sortilège. Non, mais au fond, avec le recul, on se demande un peu, quoi. C'est assez mystérieux. Et vous écrivez, Nathalie Reims, donc dans Les Reins et les Cœurs, publié chez Léo Cher, que finalement, vous comprenez que vous appartenez vraiment à cette famille le jour où vous apprenez que vous avez ce gène. Oui, parce que cette famille que je dépeins, enfin que je trace... à mot léger, je vais dire, n'est pas une famille... Enfin, vous allez me dire, toutes les familles sont lourdes. Hein. La mienne est particulière. Elle a une histoire particulière, elle a un nom particulier, elle a toutes sortes de choses comme ça. C'est singulière, cette ligne de familiale maternelle. Donc... maternelle, mais vous avez le nom de votre père. Et oui. Ce qui fait dire aux gens, ce qui est amusant d'ailleurs, les gens me disent, depuis que je parle du livre et qu'il est sorti, « Ah, mais Nathalie Reims, les Reims, Nathalie Reims... » Ah, je dis non, ne cherchez pas de ce côté-là, parce que mon père n'y est pour rien. Donc c'est Maurice Reims. Oui, et donc c'est oui, il faut chercher du côté des femmes. Donc c'était aussi une façon de leur rendre hommage et de parler d'elles, de leur courage, de cette bataille et de cette singularité. Donc voilà, j'espère qu'il est aussi orphelin que nous le sommes de nos aïeux. Alors tous ces prénoms féminins, ces prénoms triplés, puisque mère, sœur, grand-mère, arrière-grand-mère et vous-même Nathalie Reims, c'est quoi vos deux autres prénoms? Nathalie, Alix, Jeanne. C'est ça. Donc Alix étant la grand-mère? Ma grand-mère. Ouais. Et Jeanne? Ma grand-mère paternelle. Ah quand même. Donc ces prénoms, tous ces prénoms féminins et cette maladie terrible, ce mal terrible venant des femmes, il fallait trouver aussi un prénom masculin. Mm-hmm. Il faut bien, enfin, c'est pas le premier homme qui entre dans votre vie, Nathalie Reims, mais là il y a quand même à ce moment-là la maladie. La possibilité de s'en sortir et sans passer par les dialyses, etc. Si, je suis vous êtes passé aussi. 8 mois en dialyse. Oui. Mais il y a donc l'idée de greffe. Oui, alors au bout de ce chemin et tout au long de ce récit, il y a plusieurs personnages. Il y a surtout des personnages féminins, mais il y a des personnages masculins. Il y a des médecins, évidemment. Et Dieu sait que j'aime en parler. Et des soignants, et des infirmiers, oui. et des infirmières. Qui sont des gens admirables et en plus avec une puissance et un savoir. L'hôpital est quelque chose qu'il faut préserver plus que tout. Enfin, c'est des héros, hein. C'est des héros tous ces gens. C'est vraiment des héros, c'est eux les héros. C'est vraiment, au quotidien, jour et nuit. Oui, il y a un personnage qui va surgir comme ça dans le récit, Enfin, qui est à mes côtés depuis 10 ans, hein, déjà. Enfin, il ne surgit pas comme ça, en une fraction de seconde, non. Je le rencontre dans des circonstances extrêmement particulières. Bon, ça, je peux peut-être le raconter. Raconter. J'ai un lien extrêmement fort depuis énormément d'années avec quelqu'un qui chante, quelqu'un qui est très fondamentalement important dans ma vie, qui s'appelle Mylène Farmer. Et voilà, on est liés. Je ne peux pas en dire plus. Et il y a 10 ans, j'avais vécu un deuil extrêmement difficile. J'étais dans une période très sombre de ma vie. Et elle était en tournée. Elle avait chanté à Paris dans un premier temps, à Bercy, puis elle était en tournée. Et dans une conversation j'ai eu une sorte d'illumination sur un personnage descendu du ciel. C'est-à-dire que au moment où elle chante une chanson qui s'appelle « Point de suture », c'est assez médical au fond, descend à un écran géant, et sur cet écran, il y a un couple qui danse. Et je ne sais pas pourquoi, en levant la tête, j'ai eu l'instinct de quelque chose avec ce garçon. On s'est rencontrés. Pour ceux qui veulent tout savoir, il faut lire. Il est arrivé comme un ange. Il est arrivé comme un ange, voilà. Mais comme il est sorti de l'écran, hein, comme dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Et puis il est entré dans ma vie. Et 10 ans plus tard, c'est lui qui va me donner son rein. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de gémellité aussi. C'est une histoire de gémellité parce que l'histoire est absolument d'ailleurs fascinante. Et le destin est fascinant parce que le destin met sur votre route des gens souvent miraculeux. Il faut les voir, évidemment. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il va me persuader, parce que la culpabilité est très, très lourde. Hein, la culpabilité d'accepter l'organe de quelqu'un qu'on aime. C'est le seul organe qu'on puisse donner de son vivant. C'est le seul organe qu'on puisse donner de son vivant, oui. Et c'est une responsabilité horrible. Et d'ailleurs, je raconte dans le récit que la chose la plus difficile pour moi de toute cette aventure, hein, qui est une traversée vraiment du Styx, c'est une traversée vraiment du miroir où à chaque jour j'aurais pu me fracasser. Le moment le plus difficile, ça a été au bloc opératoire, le jour de la greffe, quand mon chirurgien m'a dit on va vous endormir et on va ouvrir votre donneur. C'est des moments, vous savez, ça c'est vraiment des moments de vie où on se demande si on devrait pas être mort, parce que c'est tellement lourd à accepter, c'est tellement difficile. Et en même temps, est-ce qu'il existe un plus beau geste? Est-ce qu'il existe quelque chose de plus fort que de donner un organe? On pourrait aussi, dans cette nuit de la médecine, une seconde, parler des donneurs en mort cérébrale, au travail des familles, qui ont à en même temps accepté, dans la révolte totale, de perdre un être qui est là devant eux et à qui on va demander de donner des organes. Tout ça, c'est vraiment c'est les vrais problèmes existentiels de la vie, tout ça. Réparer les vivants. Réparer les vivants, exactement. Nathalie Reims, donc dans Les Reins et les Cœurs, vous dites à un moment donné, parce qu'on ne va pas donner enfin, ce n'est pas un roman policier que vous avez écrit, non, c'est un récit. Mais il y a quand même un suspense. Voilà, oui, parce que c'est pour ça que c'était très important pour moi de donner une forme littéraire à ce récit. Ce n'est pas un témoignage, il existe évidemment des témoignages de... Mais en dehors de un merveilleux petit texte de Jean-Luc Nancy, qui est philosophe, qui est magnifique, qui s'appelle L'Intrus, mais qui est un texte philosophique sur sa greffe. Que vous n'aviez pas compris au début, la première fois que vous l'avez lu. Oui, tellement difficile, évidemment. Pas d'écrivain que je sache non plus n'a, en tout cas, raconté, du point de vue de l'écriture littéraire, une aventure comme celle-là. Après, des témoignages, bien sûr, il y en a. Donc, ne racontons pas la chute, si l'on peut dire. C'est-à-dire la chute de Reims, ce serait d'une... Non, mais ça vous plaît comme gag idiot? Tout me va. tout vous va, bah, tant mieux. Vous dites, Nathalie Reims, que la maladie vous a percuté quand même, vous envoyant dans le décor et vous obligeant à tout revoir, à tout reconsidérer. Oui. Donc, c'est vrai, avant tout, hein, c'est-à-dire avant même l'idée de greffe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est de sa famille. On sait qu'on est de sa famille. On sait qu'on est mortel, on le sait depuis toujours, mais on en prend conscience. Ça resserre aussi terriblement les liens, c'est-à-dire qu'on est dans l'essentiel. Et que... Avec tout le monde, hein, avec les proches, comme les inconnus qui passent dans l'hôpital, qui sont là et qui... Ben oui, on reconsidère... On reconsidère tout, c'est-à-dire qu'on reconsidère déjà la vie, tout simplement. Alors, souvent on me pose la question et on me dit... Est-ce que ça vous a changé? Non, non, bien sûr que ça ne m'a pas changé. Ça m'a appris, évidemment, des tas de choses. Ce qui est merveilleux, c'est que je n'ai perdu personne en route. C'est-à-dire que, vous savez, souvent dans les épreuves et dans la maladie et dans les choses les plus douloureuses de l'existence, on, en dehors de perdre la vie, quelquefois, on a des gens qui ne font pas face. J'ai eu cette chance extraordinaire d'être magnifiquement accompagnée par un entourage qui a été extraordinaire. Et en effet, dans un pays où l'hôpital est encore quelque chose de formidable. Alors, si vous voulez, oui, on peut ça évoquer une seconde. L'hôpital en soi est quelque chose d'extraordinaire. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent sont terrifiantes. Mais ça, je peux vous le dire, pour l'avoir vraiment vécu dans des services... comme le service de Necker, hein, qui est un des... Professeur Legendre est un des plus grands professeurs, plus grands spécialistes de la transplantation dans le monde. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, le service fonctionne. Les gens sont admirables, les médecins sont là, tout est là. Mais on ne parle pas de l'état des chambres et surtout des conditions des infirmières qui sont terribles et qui se retrouvent quelquefois seuls pour gérer vraiment trop de chambres. Enfin, il faut vraiment faire quelque chose. C'est tellement important. En plus, je crois qu'on râle énormément dans ce pays, et beaucoup à juste titre, mais on ne se rend pas compte à quel point on est privilégié, entre guillemets, par rapport à d'autres pays, pour la prise en charge, pour les soins, pour des choses essentielles. Il faut donner les moyens aux hôpitaux publics de pouvoir... il faut être à la hauteur des gens qui y travaillent. Moi, c'est ça, c'est-à-dire que si j'avais un seul message à donner aujourd'hui à notre ministre de la Santé, qui par ailleurs est une femme extraordinaire que je connais, que j'ai connue quand elle était jeune, c'est il faut donner des moyens à la hauteur de ces gens. Eh bien, c'est bien que ça soit dit au cours de cette nuit de la médecine, Nathalie Reims, bien entendu. Alors, quand au début du récit, puisqu'on peut pas aller vers la fin du récit, on revient au début. Vous êtes hospitalisée finalement le jour où paraît votre dernier livre, c'est à la fin du mois d'août. Oui. 27 août, Ma vie sans moi. Voilà, en 2017. Et Ma vie sans moi, c'est quoi, c'est l'histoire de... Vous imaginez votre mort prochaine. Vous en faites une fiction. Oui, alors ma vie sans moi, alors on va se rendre compte tout au long, évidemment, de l'écriture des reins et des cœurs, qu'en fait, chaque chose de ces 20 livres, d'une certaine façon, inconsciemment, il y en a énormément qui m'ont amené jusque-là. Enfin, c'est là où le déni conscient est extraordinaire et où l'inconscient se met à travailler d'une façon magnifique quand on écrit. Parce que ça, l'écriture, ça fait ressurgir le conscient et évidemment l'inconscient. Donc le 27 août, j'entends réanimation, le jour de la sortie de Ma vie sans moi, qui était un pari littéraire que j'avais fait, comme beaucoup de gens peuvent se poser. Moi, je vous pose la question, Philippe, est-ce que si vous aviez... une vie à refaire, est-ce que vous referiez exactement la même chose, hein? C'est une problématique très simple. Et je m'apercevais que, ben oui, finalement, malgré tout, toutes les erreurs, tout ce que je n'avais pas su être, des tas de choses que je n'avais pas faites, pour peut-être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, finalement, ce chemin-là, je l'avais choisi consciemment. Mais après, les reins et les cœurs, dans l'écriture, je me suis aperçue que j'avais rencontré Flavien sur la chanson Point de suture, que 5 ans plus tard, je vais écrire un roman qui s'appelle Car ceci est mon sang, qui se passe chez les cathares, et qui est l'histoire d'un ange qui apparaît sur Terre, il est en couverture, c'est-à-dire l'image de lui que j'ai vu la première fois, comme ça, les bras en croix, est sur la couverture. Donc on a bien d'autres choses, mais je veux dire, on a d'abord point de suture, car ceci est mon sang, ma vie sans moi. Donc déjà là, on a des éléments littéraires qui sont posés comme ça, qui vont mener finalement jusqu'à ce destin qui se poursuit pour le moment, en tout cas avec l'écriture des reins et des cœurs. Mais au fond, finalement, dans ces 20 livres, souvent on m'a posé la question, parce que mes textes sont très très souvent autour de l'absence, des absents, du deuil. Le premier beau livre, c'est-à-dire, vous savez, les grands livres qu'on m'a demandé chez Michel Lafond, j'ai choisi de le faire sur le Père Lachaise. Donc, si vous voulez, je suis pas l'écrivain qui est le moins pensé à la disparition des autres, surtout. Et il y a tout, que ce soit mes livres plus personnels, où je me raconte beaucoup plus, que ce soit le côté totalement fictionnel de certains de mes romans, on est toujours entre deux mondes, on est toujours entre l'absence, la présence, le scintillement, les feux follets, enfin, cette espèce de frontière dans laquelle j'adore écrire, qui est une frontière comme ça, qui est un no man's land entre deux mondes. Et quand on est alors des jours et des jours à l'hôpital, couché, parce qu'on sait qu'on peut philosopher et qu'on doit philosopher en marchant, bon, d'autres l'ont fait avant nous. Oui. Mais est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on philosophe, est-ce que l'on... Non. Quand on est couché, quand on est fatigué, quand on est dans un état cotonneux... Alors nous, déjà, quand on tombe dans le coma, on ne philosophe pas du tout. Après... On pense ? Non. On voit des images ? Alors, au début, non. On voit rien. De temps en temps, enfin, je parle pour mon expérience à moi, on sent qu'on est appareillé, on sent que tout d'un coup il y a une espèce de prise de conscience. Dès que je remonte à la surface, de toute façon, le seul souvenir que j'ai, c'est le froid. Le froid, le froid, le froid, le froid. Le froid hante le texte d'ailleurs, parce que déjà, moi j'ai tout le temps froid, mais là j'ai eu vraiment très froid. Et puis, dans certains moments de conscience, comme ça, mais c'est une conscience très, très particulière, hein, c'est une conscience déformée, on se dit que tout ça ne tient qu'à un souffle, puisque de toute façon, on vous aide à respirer. Donc. Et qu'au fond, c'est peut-être pas si grave. J'ai pas eu peur, j'ai eu peur beaucoup plus tard, j'ai pas eu peur. On se dit, bon, la vie, tout ça, c'est une marche, donc... Est-ce qu'on la monte, est-ce qu'on la descend? C'est assez vague. Mais là, on philosophe pas du tout. Hein. Je vous raconte, on est dans les limbes et puis on est dans l'abandon total, évidemment, dans l'abandon. Petit à petit, quand on sort de là, tout doucement. Alors moi, il m'est arrivé un truc qui est pas très rigolo, mais j'ai eu un œdème cérébral. Et alors là, on se rend compte de la puissance du cerveau. De l'importance du cerveau. Alors, mais parce qu'on se dit, on a un cerveau, on oui. pense... Les reins et les cœurs, mais il y a le cerveau. Voilà, mais il y a le cerveau qui est en l'occurrence assez important d'irriguer aussi. Et là, je sais, alors j'y suis bien après, que j'avais une petite compression cérébrale par un œdème. Oh, là, je ne vous dis pas, Philippe, ce qui m'est arrivé. Dites. Là, c'est les gens dans la chambre, des voix qu'on entend, des gens assis près de vous. J'avais des gens, je voyais des gens surgir. On est absolument... Là, ça a été vraiment ce que je raconte. Enfin, c'est la pire baraque de monstres au 19e oui. siècle dans les... Voilà, est-ce que c'est la chimie qui voilà. crée ça ? Non, non, elle fait de la chimie, non. C'est-à-dire c'est le cerveau c'est qui est un peu comprimé, quoi. Et dans ces cas-là, on ne peut pas agir. Alors, si vous voulez, j'avais en permanence dans toutes ces images-là, j'avais une immense horloge qui n'était pas dans, puisqu'en réanimation il y a pas d'heure. J'avais une immense horloge et je voyais les secondes avancer comme ça, avancer, avancer, avancer, et je me disais tout le temps. Quand ça va revenir sur midi ou minuit, là en l'occurrence, il est bien plus de minuit chez nous, mais ça va s'arrêter. je vais arrêter de respirer. C'est maintenant. Et puis vous avez minuit une, minuit deux, minuit trois, et vous dites non, alors c'est pour le tour d'après. Chaque seconde ou chaque minute compte, mais voilà. Ultima n'est quatre. Voilà, ça, la dernière, exactement. Tue, quoi. Et là, alors vous dire, moi j'ai eu l'impression que ça a duré 15 jours, je pense que ça a duré une journée ou deux, hein, je ne sais pas. Mais là, c'est spectaculaire, les pouvoirs du corps humain, c'est quelque chose. Et l'écrivaine était contente de voir des personnages autour d'une cinquantaine de personnages dans sa chambre. Alors, sur le moment, non. Sur le moment, je ne peux pas vous dire que oui, c'est non. Mais très vite après, quand je suis commencé à être un peu plus présente dans ce lit, enfin dans ce lit, je dis, c'est tout ça, c'est des lits, enfin, c'est des sortes de radeaux de la Méduse, enfin des lits, c'est des lits, mais on ne sait pas, on dérive, on est. De toute façon, il y a une position. Si vous vous abandonnez pas aux autres dans ces cas-là, si vous cherchez à lutter, c'est même pas la peine. Mais lutter, ce serait pour quoi? Ce serait pour mourir, en fait. Parce que s'abandonner aux autres, c'est leur dire « sauvez-moi ». Bien sûr, c'est leur dire « sauvez-moi », mais il faut s'abandonner avec, j'allais dire un truc idiot, je pense, je ne sais pas, avec grâce, au fond. Et des grâces, j'en ai eu tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une telle reconnaissance vis-à-vis de tous ces gens. Donc, l'écrivaine, sur le moment, elle n'était pas ravie du tout. Ce n'est que plus tard, après, quand j'ai commencé à revenir un peu à la surface, que je me suis dit, si je n'arrive pas à écrire ce 20e livre, alors c'est que j'arrêterai d'écrire. Parce que c'était compliqué, c'est-à-dire que on a une tendance, le cerveau justement, l'inconscient, le conscient, tout, c'est comme ça une idée qu'on efface très vite les choses les plus douloureuses, les plus traumatiques, les plus... Et là, il fallait tout faire remonter, tout faire revenir à la surface pour arriver à raconter exactement de façon très, très précise et très, très littéraire, finalement, cette aventure que traversent tellement de gens, tellement. Et vous dites aussi, Nathalie Reims, que l'état d'esprit dans lequel vous a plongé la maladie est aux antipodes des croyances à la mode, des problématiques qui font débat dans la société. Ça, vous le dites quelques mois après cette longue période. C'est pas sur le moment. Non, pas du tout. Non, c'est au moment de l'écriture, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire 3 mois après la greffe, où je commence à réfléchir, parce qu'au bout de ce parcours, évidemment, il va y avoir la greffe, mais où je commence à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et là, voilà, c'est des questions, évidemment. Réfléchir, ça veut dire tout de suite écrire, noter ou... Oui, c'était... vous savez, moi, je note rien du tout. Moi, j'ai tout dans ma tête, c'est pour ça que si ma tête part, tout part avec. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans l'écriture, dans le corps même de l'écriture, c'est que on fait ressurgir des choses dont on est absolument certain, mais la fiction n'est jamais loin. C'est-à-dire qu'on sait, là, dans ce récit, c'est pour ça que je l'ai appelé récit, c'est qu'il y a une vraie vérité, mais ce n'est que ma vérité à moi. Ce n'est que subjectif à travers le pouvoir des mots. On choisit ces mots. Donc, voilà, c'était... Et ces chapitres aussi, enfin, c'est vraiment un récit, mais quand on lit, c'est poignant et on... Je voulais vraiment... Enfin, il n'était pas question de faire une théorie de la greffe, de la médecine. Enfin, oui. Il fallait qu'il y ait un côté. Et c'était aussi ça... Ni un journal de bord. Non, ni un journal de bord. C'était aussi ça qui était important pour moi, c'était de donner une sorte de... C'était l'idée du conte. Hein. Moi, je suis partie comme ça sur l'idée de... Les contes de fées sont quelquefois horribles. Hein. C'est plutôt un conte à régler. Mais qui se termine bien. Écoutez, j'ai l'impression... Merci Nathalie Reims. Donc je rappelle le titre, Les Reins et les Cœurs, c'est un récit publié aux éditions Léo Cher. Et vous étiez vraiment bien dans cette tenue de la médecine pour venir nous parler de ce récit très, très littéraire. Et qui se termine bien, oui, qui se termine bien. Mais oui, puisqu'on est ensemble. Puisque vous êtes là. La nuit de la médecine se poursuit. Merci Nathalie Reims. Il va être question de la médecine coloniale. Il va être question de la médecine verte. Et puis on recevra Fanny Guéral, donc pour un livre beaucoup plus léger. Enfin, la médecine deuxième année. Mais il faut que les médecins, les jeunes médecins, déjà arriver en deuxième année, c'est déjà toute une histoire. Et puis une tribune de Paris sur le problème des malades mentaux. C'était un débat animé par Paul Guimard en 1946. Et puis donc on entendra le Knock de Jules Romain dans une réalisation réalisation de Yves Dariet. Et là, ce n'est pas Jouvet, bien entendu, puisque ce n'est pas le cinéma. C'est Serge Reggiani qui était Knock dans une réalisation de 1955. Merci Nathalie Reims. Merci à vous.